asiatique ou bien musulmane, européenne ou africaine, pauvre ou profession libérale, qu'elle vote à gauche ou vote FN. Pourquoi est-ce que ça fait tant mal, les muqueuses d'autrui? Pourquoi est-ce que ça fait tant mal, les muqueuses d'autrui, les muqueuses d'autrui? Deux lèvres au fond d'un pantalon, d'un jean moulant bleu délavé, qui frotte entre elles comme une chanson, tout près d'un cul pas bien lavé. Mérite-t-elle autant d'intérêt, les muqueuses d'autrui? Mérite-t-elle autant d'intérêt, les muqueuses d'autrui, les muqueuses d'autrui? La cause des meurtres passionnels, des fausses accusations de viol, la cause de toutes mauvaises nouvelles et des dépendances à l'alcool, elles sont la cause des dépressions. Les muqueuses d'autrui, elles sont la cause des dépressions. Les muqueuses d'autrui, les muqueuses d'autrui. Deux amis se déchirent pour elle, elle provoque parfois le suicide, elle règne sur le monde et le ciel, elles sont le patrimoine du vide. Ce n'est pourtant rien qu'un peu de peau, les muqueuses d'autrui. Ce n'est pourtant rien qu'un peu de peau, les muqueuses d'autrui, les muqueuses d'autrui. Mais un jour nous les combattrons, un jour nous en ferons ombrage, peut-être à coup de religion, de cocaïne ou de voyage. Elle n'existe plus au paradis. Prends ton couteau et pars d'ici. Tu vois, elles sont déjà parties. N'existe plus au paradis, les muqueuses d'autrui, les muqueuses d'autrui.